Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30. Nous sommes le 28 décembre, Noël est passé et la nouvelle année arrive à grands pas. J'espère que vous avez passé un superbe réveillon entouré de vos proches. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques conseils naturopathiques et ayurvédiques de base pour accompagner votre corps suite aux éventuels excès qui se seraient produits ces derniers jours. Tout d'abord, l'importance de l'hydratation. Boire au minimum 2 litres de liquide par jour, le plus possible d'eau, purifiée, filtrée ou de source, faiblement minéralisée, et puis de tisane. Évitez tout ce qui sera acidifiant pour l'organisme. Viande, charcuterie, café, le sucre en général. Diminuer les produits laitiers. Des plantes peuvent également vous aider à éliminer les toxines dues aux excès du repas de Noël. Notre organisme possède les organes nécessaires pour accomplir ce travail. Ce sont les émonctoires, c'est-à-dire le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau. L'idée est de réduire l'apport d'éléments toxiques pour faciliter le travail des organes d'élimination. Le chardon-marie, le radis noir et l'artichaut sont les 3 plantes qui aideront le foie et la vésicule biliaire. Idéalement sous forme d'ampoules buvables qui combinent ces 3 plantes. Une ampoule le matin et une le soir avant les repas. La tisane de camomille. Une tasse après chaque repas. Prenez également le temps de vous reposer, au calme, sous votre plaid, avec un bon lait d'or. En Ayurveda, le lait d'or est un lait végétal mélangé avec des épices. Le curcuma, la cannelle et le poivre. Je vous donne la recette très simplement. Il suffit de mettre une cuillère de beurre clarifié dans une casserole en y mélangeant le curcuma et la cannelle en poudre afin de faire une pâte. Ensuite, vous ajoutez votre lait végétal. Personnellement, je le fais souvent avec du lait d'amande. Vous laissez mijoter quelques minutes. Votre lait devient orange. Avant de servir, ajoutez un peu de poivre et une touche de miel. Ce lait d'or est reconnu pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires et joue également un rôle protecteur pour l'estomac et le foie et améliore la digestion. Je vous ai parlé du beurre clarifié que l'on appelle ghee, G-H-E-E en Ayurveda, médecine indienne. L'idée est de faire chauffer le beurre pour faire remonter toutes les toxines comme la caséine et le lactose. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'appelle Les Secrets de Mathilde. Et pour finir, n'oubliez pas d'aller vous oxygéner, de marcher en pleine nature, dans la forêt. Les poumons et la peau font partie des organes éliminateurs. Ça leur fera le plus grand bien. Je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve en 2019. Prenez soin de vous !